Ludo in the mix. Le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo. Trop d'hiver, parfois j'espère en laisser mes pères, les êtres chers qui me procurent l'air tant nécessaire. Et qu'ils se souviennent tous de moi par la radio, et qu'ils me soutiennent dans mes choix tout en stéréo, et qu'ils me rappellent chaque fois tous mes idéaux. Je suis si loin de tout. Et qu'ils se souviennent tous de moi par la radio, et qu'ils me soutiennent quand j'ai froid tout en stéréo, et qu'ils m'aident à tracer ma voix même en vidéo. Je suis si loin de vous.

Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Chacun le mix fait de son beurre. On ne partage rien, à part sa mauvaise humeur. Mais il faudra bien oublier nos peurs. Si l'on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs. Chacun pour soi, ça va de soi. Chacun ses bons plans, évidemment. Il faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Un plus un plus un plus. Toi et moi. Ensemble. Ensemble. Un plus un plus un plus. Tout le monde. L'argent fait vivre, mais ne fait pas le bonheur. C'est écrit dans les livres que dit ma petite sœur. Il faudrait penser autrement qu'individuellement. Oublier de monnaie d'échange. Si l'on veut que les choses changent. Ensemble. Un plus un plus un plus. Toi et moi. Ensemble. Ensemble. Un plus un plus un plus. Tout le monde. Ensemble. Ensemble. Un plus un plus un plus. Toi et moi. Ensemble. Ensemble. Ça donne envie d'écouter, de se mettre à leur côté. Les autres ne sont qu'un miroir où il faut savoir se voir. Apprenons à regarder ensemble sans perdre. I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be That's why whenever I come around, she's all over you.

Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Hold me, love. Hold me. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Soon you know you're gonna be. Oh man, what's that feeling called again? Get the...

Go! follow me. Can you feel me? Follow me. Can you feel me? Et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Samedi à 21h sur Sorgi FM. Le mix de Ludo.